Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous allons continuer en ce lundi matin l'étude de la parole de Dieu de 2 Corinthiens, et nous sommes rendus au chapitre 5. Notre bon Père du ciel, nous avons vu dans chapitre 4 que ce grand trésor était dans un vase de terre. Donc, ça veut dire qu'il y a un trésor en nous. Et mon désir, c'est qu'on apprenne à découvrir ce grand trésor qui n'est nul autre qu'une personne, la personne de Dieu, la personne de Christ. Aide-nous, Seigneur, encore ce matin à se tourner vers les Écritures pour te connaître mieux. Car tu nous as dit toi-même que la vie éternelle, c'est de connaître notre Dieu. Guide-nous, Seigneur, et que les vérités que nous allons apprendre encore ce matin puissent nous pousser à l'adoration, à la louange, aux actions de grâce, et au service de notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Cette semaine, je recevais un courriel d'un homme d'un autre pays qui se présente comme un frère. Il y a différentes questions dans sa vie. Est-ce que la patience de Dieu dure toujours? Et ces questions se relataient souvent avec comment vaincre le péché dans sa vie. Comment vaincre le péché de la chair, de la convoitise? Je voyais en lui cette préoccupation-là, je ressentais, si j'ai bien ressenti, qu'il avait un fardeau sur les épaules, n'étant pas capable d'atteindre les standards qu'il croyait être les standards de Dieu pour sa vie. Et la plupart des chrétiens, c'est souvent ce que l'on essaie de faire. On essaie de changer notre vie à force de volonté, à force de décision. Moi, je crois que les vérités que nous apprenons par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous vont accomplir l'œuvre de Dieu en nous, ce que Dieu veut faire en nous. Ensuite, notre volonté va se mettre en fonction. Mais c'est les vérités qui doivent venir dans nos cœurs par le Saint-Esprit, utilisé par le Saint-Esprit, et qui va avoir un impact sur nos vies. Et c'est ça que Paul fait dans 2 Corinthiens puis dans 1 Corinthiens. Il y a une église pleine de difficultés. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur annonce des vérités. Il leur dit comment discerner les faux docteurs qui mettent des fardeaux sur les dos des chrétiens. Mais lui veut les libérer. Il veut amener de la gloire à son Dieu. Et ce matin, dans notre chapitre 5, le verset 1, nous continuons dans cette même ligne de pensée. Et l'apôtre Paul va emmener une autre vérité pour emmener les chrétiens à continuer, à persévérer, à ne pas perdre courage, à ne pas perdre patience, persévérance, à user d'une grande liberté devant Dieu, devant les hommes, et comme il va utiliser dans le chapitre 5, à être plein de confiance. « C'est ça l'important. C'est ça l'important. Des vérités qui, par l'Esprit de Dieu, vont conduire les chrétiens à faire le ministère que Dieu veut qu'ils fassent. Souvenons-nous, il y a des jeunes dans l'église de Corinthe que Paul appelle des faux apôtres, déguisés en anges de lumière, qui trompent l'église, qui essaient de séduire l'église pour les détourner de la vérité, qui accusent Paul, qui dénigrent Paul. Et dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, l'apôtre Paul dit, oui, c'est vrai que la vie que nous avons en tant que chrétiens n'est pas toujours facile. Il dit, nous, les souffrances de Christ abondent en nous, oui, mais nous sommes consolés. La mort agit en nous, mais la vie agit en nous. Il leur dit, oui, mais même si notre corps se détruit, nous avons l'espérance de la résurrection. Donc, il continue de leur donner des vérités pour qu'ils persévèrent dans la foi reçue des apôtres une fois pour toutes. Nous allons lire ensemble le chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est le titre que j'ai donné à cette vidéo-là, un domicile céleste. Le fait de savoir que nous avons un domicile céleste. Il dit au verset 1, « Quand cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, quand ce que nous vivons, ce que nous sommes accablés, et même si nous perdrions la vie, même si nous c'est difficile, et dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, il dit, peu importe ce qui nous arrive sur la terre, à cause de Christ, ou pour Christ, ou à cause du péché, ou à cause de la haine du monde, contre Christ, contre les enfants de Dieu, contre l'Église. Et je crois qu'on peut appliquer plus large encore, peu importe ce qui nous arrive dans la santé, dans la maladie, dans les difficultés, et que notre corps se détruit. Nous avons dans le ciel un édifice et une demeure qui a été préparée par Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, il dit bien. Ce qu'il espère, lui, ce n'est pas quelque chose que lui a bâti. Ce qui lui donne cette pleine confiance, ce désir de continuer, de persévérer, malgré que sa tente se détruit, malgré toutes les difficultés, ce n'est pas ce que lui fait dans sa vie chrétienne. Ce n'est pas ce qu'il pourrait s'abstenir de faire dans la vie chrétienne. Mais il dit, je sais que j'ai quelque chose que Dieu a préparé pour moi, une demeure, un domicile céleste. que Dieu a préparé pour moi. Donc, il y a quelque chose pour remplacer cette tente. Je crois qu'il faut exprès, c'est pour jouer avec les mots tente, plus simple, plus primitif, avec édifice, avec demeure. C'est plus gros, c'est plus grand, c'est plus beau. N'est-ce pas? Il dit, c'est tellement désirable ce qui m'attend, ce qui va prendre la place de la tente. Ce domicile-là est tellement merveilleux. Il dit au verset 2, « Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Donc, il désire, il y a une espèce de soupir comme dans Romains 8. Il y a quelque chose en lui qui désire revêtir son domicile céleste. Oui, mon corps va se détruire, mais j'en ai un autre. Je crois que ça rejoint ici ce qu'il va parler dans la fin du chapitre 4, la résurrection. J'ai un autre demeure que je désire revêtir. Je désire mettre sur moi. Parce que le mot revêtir, c'est prendre sur moi, me recouvrir de cette nouvelle, de ce nouveau domicile. Il dit au verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et là, ce verset 3-là, il y a toutes sortes d'interprétations sur ce sujet-là, qu'on n'a pas le temps, nous, de tout étudier dans ce 20 minutes que nous avons ce matin ensemble. Il dit, au verset 2, qu'il gémit pour revêtir son domicile céleste. Si du moins, je ne suis pas nu. Si je suis nu, je ne peux pas me revêtir de quelque chose. Il dit bien, comment est-ce que je vais me revêtir si je suis nu? De quoi parle-t-il ici? Il dit, si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, on va pouvoir se revêtir de notre domicile céleste. Donc, Paul il dit, si on est trouvé nu, on ne pourra jamais avoir un domicile céleste qui est l'ouvrage de Dieu. Il y en a qui disent que c'est la justice de Christ, d'autres disent que c'est les œuvres, d'autres disent que c'est la vie chrétienne. Il y a toutes sortes d'interprétations. L'apôtre Paul continue au verset 4 et il dit, « Pendant que nous sommes dans cette tente, pendant que nous sommes ici-bas, nous gémissons, nous sommes accablés, parce que... » Donc, il y a un état d'âme, un état d'esprit qui n'est pas causé ici par les difficultés, mais parce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait faire. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller de la tente, mais nous voudrions nous revêtir. Voyez-vous? C'est pas qu'il veut enlever, mais qu'il veut mettre quelque chose. Il veut revêtir son domicile céleste, qui parle au verset 2. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc, ce corps dont il parle, qui est détruit, cette tente qui est en train de se détruire, il veut qu'elle soit transformée par le domicile céleste que Dieu a préparé pour lui. Il veut transformer ce corps par celui que Dieu lui a préparé. Et il dit au verset 5, Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Celui qui nous a préparés à cela, celui qui nous a formés pour cela, qui nous a amenés à désirer ça, qui nous a préparés à ce domicile céleste-là, c'est Dieu. C'est toujours l'œuvre de Dieu. C'est jamais l'œuvre des croyants. C'est toujours l'œuvre de Dieu dans les croyants. Et c'est pour ça que c'est tout lui qui va recevoir la gloire. Mon interprétation du verset 3, si du moins nous ne sommes pas trouvés nus, si on est revêtus et non pas nus. Donc, je crois que la réponse à cette interprétation, selon ma compréhension, c'est le verset 5. Il nous a formés, il nous a préparés, il nous a revêtus et il nous a donné les arts de l'esprit. Donc, tous ceux qui ont les arts de l'esprit ne sont pas nus. Et ces gens-là, quand ils vont quitter le monde dans lequel nous vivons, vont être revêtus de leur domicile céleste. Donc l'apôtre Paul nous aide à comprendre ici cette grande vérité-là que oui, c'est difficile. Essayez pas de l'éviter par toutes sortes de trucs, d'astuces ou en changeant la parole de Dieu, comme il avait dit au verset 3, chapitre 3 et chapitre 4. Persévérez dans la vérité et un jour, vous allez revêtir un domicile céleste qui est de loin plus grand et plus beau, plus parfait que ce que vous avez présentement. Et quels sont ceux pour qui Dieu a préparé un domicile céleste? C'est ceux qui ont les arts de l'esprit. Ceux qui sont été formés par Dieu pour cela. Quelle belle vérité! Ce qui va m'aider à continuer, c'est pas l'absence de ces difficultés-là. Même ceux qui vivent de moins de difficultés n'ont pas plus de facilité à persévérer dans la foi. Non. Je vous dis que non, mais. Ceux qui persévèrent dans la foi. Peu importe le genre de vie qu'ils ont ici-bas, ceux qui persévèrent, c'est ceux qui ont l'espérance d'un corps nouveau, d'un domicile nouveau, d'une habitation éternelle et céleste. C'est ceux qui ont les arts de l'esprit dans leur cœur. C'est ça qui nous fait persévérer. C'est ça qui nous fait gémir dans l'attente de revêtir notre domicile céleste. Notre bon Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette belle et grande vérité que tu as préparé pour tes enfants un domicile céleste. Oui, le corps dans lequel nous vivons va être détruit. Peu importe le comment. Mais ça ne nous amène pas à abandonner la foi. Au contraire, à cause du Saint-Esprit qui est en nous, nous ne désirons pas garder ce corps. Nous désirons d'en revêtir un autre qui va nous permettre de te servir pleinement, complètement, de t'adorer dans toute la plénitude de ce que tu veux qu'on fasse. Et tout cela, c'est à cause de toi. C'est toi qui nous as formés pour cela. C'est toi qui as formé notre corps céleste, notre domicile céleste. C'est ton œuvre. Et nous te donnons la gloire. Amen.